Écoutez maintenant en émission différée la retransmission de la première représentation en France de La mort de Danton de Georges Buchner, interprété par la compagnie de Jean Villard pour le deuxième festival d'art dramatique donné en Avignon au Palais des Papes. Le drame de Georges Buchner, traduit par Arthur Adamoff, est joué par Jean David de la Comédie Française dans le rôle de Danton. Jean Villard, Robespierre. Joris Maulne, Camille Desmoulins. Jean Negroni, Saint-Just. Avec Sylvia Monfort dans le rôle de Julie Danton et Elisabeth Hardy, Lucille Desmoulins. Avec Jean-Paul Moulineau, Yves Brinville, Jacques Butin, Raymond Hermantier, Robert Hirsch et Bernard Noël de la Comédie Française. Jean Villard vient de réaliser et de réussir, au cours du Festival d'art dramatique donné en Avignon, ce qu'aucun grand théâtre de Paris, subventionné ou dit d'avant-garde, n'avait jamais tenté. La présentation au public français, pour la première fois, de l'œuvre principale du grand auteur romantique allemand Georges Buchner. Mort à 23 ans en 1836 d'un accident, Georges Buchner avait écrit son drame moins de 50 ans après la Révolution. Sa pièce, essentiellement lyrique, convenait parfaitement d'ailleurs au cadre grandiose du théâtre de plein air installé dans la cour du château des Papes. Une réplique de Danton. Nous croyons avoir fait la Révolution, c'est la Révolution qui nous a fait, situe et délimite le drame. Il était extraordinaire de penser qu'il a été conçu et écrit en Allemagne, sans véritable document, et surtout, sans le fameux recul obligatoire pourtant de l'histoire. Surtout, qui ne nous présente que la dernière période de la vie de Danton, celle de son jugement. La mise en scène de Jean Villard, l'interprétation de tous les rôles, font de ce spectacle une des plus extraordinaires, une des plus émouvantes réussites de l'art du spectacle. Le poète Arthur Adamoff, traducteur fidèle de l'œuvre de Buchner, vous parle maintenant de l'auteur de La mort de Danton. L'œuvre de Georg Buchner, né en 1813, mort en 1837, constitue un moment essentiel de l'évolution du théâtre allemand. Elle comprend essentiellement trois pièces. Wojciech, qui ne fut pas achevé, une comédie, Léon Selena, et enfin La mort de Danton, qui a inauguré avant-hier le deuxième festival d'art dramatique en Avignon. Le drame de Buchner, renouvelé de Shakespeare, participe à la fois du romantisme finissant, épuisé par son propre feu, et d'un réalisme riche encore de possibilités révolutionnaires. La révolution, prise au sens le plus grave du mot, a séduit, plus que séduit, fasciné Buchner par ses infinies ressources dramatiques. La mort de Danton, qui est sa première pièce, l'a hanté toute sa vie. C'est le drame de la révolution, de toute révolution considérée comme la révolte primordiale contre la cruauté impitoyable des lois naturelles. Si nous sommes quelques-uns à considérer Georg Buchner comme un des plus grands dramaturges modernes, c'est qu'il est avec Strindberg à peu près le seul à comprendre que le véritable théâtre n'a rien à voir ni avec le réalisme, ni avec aucun enseignement, qu'il n'est jamais explicite, mais qu'il est comme un raccourci de la vie plus réel que la superficielle réalité. Le premier tableau se situe dans une chambre chez Hérault de Séchelles. Autour d'une table de jeu, quelques femmes et un peu à l'écart sur un tabouret, Danton est au pied de sa femme Julie. Les compagnons de Danton, Camille Desmoulins et Philippot, s'entretiennent de la situation créée par les derniers décrets de la Convention. Puis, au deuxième tableau, dans une ruelle, les mêmes événements sont commentés par le peuple à l'occasion d'une violente dispute entre le souffleur Simon et sa femme. Robespierre intervient dans cette discussion et obtient facilement l'approbation de la foule qui le constituait avant son arrivée. Le troisième tableau se déroule au club des Jacobins, où l'intervention véhémente d'un Lyonnais provoque une longue réponse de Robespierre qui n'est en réalité que la justification de sa politique de pureté. Vois la jolie dame comme elle donne gentiment les cartes. Vraiment, elle s'y entend. On dit qu'elle donne toujours du cœur à son mari et aux autres du carreau. Vous parviendriez presque à nous rendre amoureux du mensonge. As-tu confiance en moi? Que sais-je? Nous savons si peu de choses l'un de l'autre. Nous nous tendons les mains, mais c'est peine perdue. Nous ne faisons que frotter l'un contre l'autre notre cuir grossier. Tu me connais. Très solitaire. Tu me connais, Danton. Oui, ce qu'on appelle connaître. Tu as des yeux verts, des cheveux bouclés, un teint délicat, et tu me dis toujours, Georges, chérie, mais là... Là, qu'y a-t-il là derrière? Allons donc, nos sens sont grossiers, nous connaître l'un l'autre, mais il faudrait pour ça nous ouvrir le crâne et arracher nos pensées une à une des fibres du cerveau. Mais que faites-vous avec vos doigts? Mais rien. Oh, ne faites pas craquer ainsi votre pouce, c'est insupportable. Regardez l'objet. Il a sa physionomie bien à lui. Julie, tu m'es chère comme le tombeau. Oh. Non, écoute. Les gens prétendent que c'est la paix qui règne dans le tombeau, que la tombe et le repos sont une seule et même chose. S'il en est ainsi, couché sur ton sein, je suis déjà sous la terre, ma douce tombe. Ta voix est un glas funèbre et ton cœur mon cercueil. Perdu. Ah, c'était une aventure galante. Elle me coûte cher. Comme toujours. Alors, vous faites vos déclarations comme un sourd-muet avec les doigts? Et pourquoi pas? De la vie générale, ce sont celles que l'on comprend le mieux. J'ourdissais une intrigue avec une reine de cartes. Mes doigts étaient des princes charmants, métamorphosés en araignées. Madame, c'était la fée. Et malheureusement, les choses se gâtèrent. La dame accouchait à chaque instant d'un valet. Oh, je n'apprendrai jamais de pareil jeu à ma fille, c'est indécent. Les rois tombent sur les femmes sans pudeur, les valets sortent aussitôt. Oh, il faut qu'elle mord le regard. Aurait-il plu sur la guillotine? Saint Jacob était-il de méchante humeur? Ou aurais-tu été si mal placé que tu n'as rien pu voir? Quel républicain classique tu fais? Tu parodies Socrate? Sais-tu ce que le plus grave des mentors demandait à Alcibiade un jour qu'il le trouvait sombre et rêveur? Aurais-tu perdu ton bouclier sur le champ de bataille? Aurais-tu été vaincu à la course ou à la salle d'armes? Un autre aurait-il mieux chanté ou mieux joué de la cithare? Mets-toi donc une bonne fois au diapason de notre romantique guillotine. Aujourd'hui, 20 victimes sont tombées. Nous sommes trompés. Nous avons envoyé les hébertistes à l'échafaud uniquement parce qu'ils ne procédaient pas d'une manière assez systématique. Peut-être aussi parce que les décemvirs se seraient cru perdus s'ils se fût trouvés, même pour une semaine, des hommes encore plus redoutés qu'eux. Ils voudraient faire de nous des êtres préhistoriques. C'est injuste, nous verraient volontiers ramper à quatre pattes. Et l'avocat d'Arras, se conformant à la mécanique de l'horloger genevois, créerait à notre usage des pupitres et des prie-dieux. Ben, il n'hésiterait pas à ajouter quelques zéros au compte de Marat. Ah! Combien de temps encore serons-nous sales et sanglants comme des enfants nouveau-nés? Devrons-nous jouer avec des têtes? Avoir des cercueils pour berceau? Il faut aller de l'avant! Constituer un comité de clémence! Rappeler les députés bannis! La révolution est arrivée au stade de la réorganisation. Elle doit cesser pour que la République commence! Dans nos principes politiques, le droit doit remplacer le devoir. Le bien-être, la vertu, la légitime défense, le châtiment, chacun doit être en mesure de pouvoir affirmer sa personnalité! Et faire valoir sa nature. Qu'on soit bon ou méchant, instruit ou illettré, ridicule ou non, cela ne regarde pas l'État. Nous sommes tous des fous. Et aucun n'a le droit d'imposer à autrui sa folie propre. Que chacun jouisse donc à sa guise, pourvu qu'il ne le fasse pas aux dépens d'un autre et qu'il ne trouble pas cet autre dans son bonheur personnel. La forme de l'État doit être une tunique transparente qui colle au corps du peuple. Chaque tension de ses muscles, chaque pulsation de ses artères, chaque spasme nerveux doit s'y imprimer. Le corps peut être beau ou laid, nous ne sommes pas autorisés à lui tailler un habit de notre goût. À ceux qui veulent jeter un voile de nonne sur les épaules nues de cette adorable pécheresse, la France, nous donnerons sur les doigts. Nous voulons des dieux nus, des bacchantes, des jeux olympiques. Nous n'avons pas l'intention d'empêcher les Romains de s'asseoir à l'écart et de faire cuire leur rave, seulement qu'ils ne viennent plus nous imposer leur combat de gladiateurs. Que le divin Épicure et la Vénus Callipyge se substitue à Samara et à Saint-Chalier aux portes de la République. Danton, tu mèneras l'attaque à la Convention. Je mènerai, tu mèneras, il mènera si nous vivons jusque-là, disent les vieilles femmes. Dans 1h60 se seront écoulées, n'est-ce pas, mon petit? Mais oui, ça va de soi. Et tout va de soi. Et qui accomplira toutes ces belles choses? Nous, et les honnêtes gens. Ce « et » est un mot bien long et qui risque de nous isoler un peu les uns des autres. L'honnêteté perdra haleine avant que nous nous rejoignions. Aux honnêtes gens, on peut prêter de l'argent, devenir le parrain de leur dernier-né, leur donner ses filles à marier, mais c'est tout. Mais si tu penses ainsi, pourquoi as-tu engagé le combat ? Parce que ces gens-là m'ont toujours dégoûté. Je n'ai jamais pu voir de prétentieux catons de cette espèce sans avoir envie de leur planquer des coups de pied. Je suis fait ainsi. Qui sort ? Il le faut. Ils m'écorcheront vif avec leur politique. Mais je vais faire une prophétie. La statue de la liberté n'est pas encore fondue. Le four reste rouge. Nous pouvons encore nous y brûler les doigts. Allez, laissez-le. Croyez-vous qu'il puisse rester à l'écart quand on en viendra aux actes ? Mais non, il agira. Mais comme on joue aux échecs, pour tuer le temps. Ben voyez-vous, j'étais assise sur une pierre au soleil et je me chauffais. Car nous n'avons pas de bois, voyez-vous. Ouais, ben attrape dans le nez de ton mari. Et ma fille est descendue jusqu'au coin de la rue. C'est une brave fille qui nourrit ses parents. Oh, elle l'a voulu. Aurais-tu seulement des culottes à remonter sur tes fesses si les jeunes gens n'abaissaient pas les leurs chez elles? Marie, d'envie, tu crèverais de soif si la petite source cessait de couler. Hein? Nous travaillons avec tous les membres. Pourquoi pas avec celui-là? Après tout, c'est avec lui que sa mère a travaillé dans la douleur pour la mettre au monde. Ne peut-elle à son tour le faire travailler pour sa mère? Mais ça lui fait même pas mal. Imbécile! Oh, Lucrèce! Romain! Donnez-moi un couteau! Abdus Claudius! Oui, un couteau. Mais pas pour cette pauvre fille. Qu'a-t-elle fait? Rien! Elle a faim. Alors elle fait la putain et mendie. Un couteau pour ceux qui achètent la chair de nos femmes et de nos enfants. Malheur à ceux qui débauchent les filles du peuple. Vous avez le ventre creux et eux la panse pleine. Vous avez des trous à vos vestes et eux de chaudres dingotes. Vous avez des mains calleuses et eux des mains de velours. Et en gros, vous travaillez et eux ils ne font rien. Et en gros, vous gagnez votre pain et eux ils le volent. Et en gros, si vous voulez retrouver un seul de vos sous, vous devez vous prostituer ou mendier. Et en gros, ce sont des coquins et il faut les massacrer. Mais ils n'ont pas d'autre sang dans les veines que celui qu'ils nous ont sucé. Ils nous ont dit, tuez les aristocrates, ce sont des loups. Eh bien, nous avons pendu les aristocrates à la lanterne. Ils ont dit, le veto mange votre pain. Nous avons tué le veto. Ils ont dit, les Girondins vous affament. Nous avons guillotiné les Girondins. Mais ils ont dépouillé les morts, et nous courons toujours jambes nues, et nous crevons de froid. Eh bien, nous allons leur arracher la peau des cuisses pour nous en faire des culottes. Nous allons leur enlever l'engraisse pour la faire fondre dans notre soupe. En avant! Et à mort, celui qui a pas de tout à sa veste! À mort celui qui sait lire et écrire. Ouais. Et à mort celui qui est libre. À mort, à mort, à mort, à mort. Il a un mouchoir. C'est un aristocrate. À la terre. Ah, il se met droit dans les doigts, là. Mais qui dit à qui la terre. En dévore et par les vers. Le beau gigoté en l'air. Je te pourrai sous la terre. Allez, cagez. On passe simplement une corde et des chambres autour du cou. C'est l'affaire d'un moment. Nous sommes plus pitoyables que vous. Notre vie, c'est d'être assassiné par le travail. Nous gigotons au bout de la corde pendant 60 ans. Mais nous allons la couper à présent à la lanterne. Vous ne direz pas plus clair pour cela. Pour... Allez, oh, allez, allez, la pourrie. Qu'y a-t-il, citoyen? Que pourrait-il y avoir? Les quelques gouttes de sang douées de septembre n'ont pas suffi à colorer les joues du peuple. La guillotine va trop lentement. Nous avons besoin d'une ondée. Nos femmes et nos enfants réclament du pain. Un grand cri. Nous voulons les rassasier de la chair des aristocrates. À mort! Celui qui apporte tout à sa mère! À mort! Au nom de la loi! Qu'est-ce que la loi? La volonté du peuple. C'est nous le peuple! Et nous voulons qu'il n'y ait pas de loi. Ergo, notre volonté, c'est la loi! Ergo, au nom de la loi, il n'y a pas de loi! Ergo, à mort! À mort! À mort! Écoutez Robespierre! Écoutez l'incorruptible! Oh. Pauvre et vertueux peuple, tu fais ton devoir. Tu immoles tes ennemis, peuple, tu es grand. Tu te manifestes au milieu des éclairs et des coups de tonnerre. Fais-je au peuple, il ne faut pas que tes coups frappent ton propre corps. Tu te détruis toi-même dans ta rage. Tes ennemis le savent, mais tes législateurs veillent. Ils guideront ta main pour frapper les traîtres. Et pas un seul d'entre eux n'échappera. Venez avec moi aux Jacobins. Vos frères vous ouvriront les bras. Nous châtierons impitoyablement nos ennemis. Et aux Jacobins. Aux Jacobins. Aux Jacobins. Malheur à moi. Pauvre abandonné. La meuf là. Oh. Ma boursise. Allons, tiens-toi droit. Portia, tu t'éloignes de moi. Oh, pardonne-moi. Ce n'était pas ma main. Ce n'était pas mon bras qui te frappait. C'était ma folie. Sa folie, c'est l'ennemi du pauvre Hamlet. Hamlet, lui, n'a rien fait. Hamlet est un innocent. Où est notre fille? Hein? Où est ma Susan? Bah, au coin de la rue. Hein? Allons la rejoindre. Viens, ma vertueuse épouse. De Lyon. Nous on va déverser dans votre salle leur amer mécontentement. Nous ignorons si la charrette qui conduisit Ronsin à la guillotine était le char de la liberté, mais nous savons que depuis ce jour, les assassins de Chalier frappent de nouveau avec arrogance le sol de leurs talons. Avez-vous oublié que Lyon est sur la terre de France une tâche qu'il s'agit de recouvrir avec les eaux des traîtres? Avez-vous oublié que cette putain des rois peut seulement se laver de sa lèpre dans les eaux du Rhône? Avez-vous oublié que ce fleuve révolutionnaire doit faire échouer les flottes de Pitt au milieu de la Méditerranée sur les cadavres des aristocrates? Mais votre clémence tue la révolution! Chaque aristocrate qui respire, c'est la liberté qui râle. Le lâche seul meurt pour la République. Le jacobin tue pour elle. Sachez bien que si nous ne trouvons plus en vous l'impétuosité des hommes du 10 août et du 31 mai, il ne nous restera plus, comme aux patriotes d'ailleurs, que le poignard de Caton. Ah, bravo, bravo. Nous ferons avec vous la coupe de Socrate. Oui. Et qu'avons-nous besoin de jeter nos regards sur Lyon? Les gens qui portent des vêtements de soie, roulent carrosses, s'étalent dans des loges au théâtre et parlent selon le dictionnaire de l'Académie. Ces gens-là relèvent insolemment la tête. Ils font de l'esprit. Ils disent qu'il faudrait aider Marat et Chalier à devenir des saints en les guillotinant en effigie. Ce sont des hommes morts. Leur langue les guillotine. Que le sang de ces martyrs retombe sur eux. Je demande aux membres présents du comité de salut public, depuis quand leurs oreilles sont devenues aussi sourdes? Moi, je te demande, le gendre, quelles sont les voix qui donnent le souffle à de pareilles pensées? Il est temps d'arracher les masses. Pas d'extravagance, le gendre, pas d'excès. Le comité de salut public est logique. Mais sois tranquille, on ne touchera pas au buste des martyrs. Ils pétrifieront les traîtres, comme la tête de Méduse. Je demande la parole. Écoutez Robespierre, écoutez l'incorruptible. Nous n'entendions pour parler que le cri d'indignation qui retentit de tous côtés. Nos yeux étaient ouverts. Nous avons vu l'ennemi s'avancer. Nous l'avons vu prendre les armes. Mais nous n'avons pas bougé. Nous avons laissé au peuple le soin de veiller sur lui-même. Il n'a pas dormi, il a pris des armes. Nous avons laissé l'ennemi sortir de son embuscade, nous l'avons laissé s'avancer et maintenant il s'offre à découvert et visible à la clarté du jour. Chaque coup l'atteindra. Il est mort, si seulement vous l'apercevez. Je vous l'ai déjà dit une fois, les ennemis intérieurs de la République se sont divisés en deux factions comme en deux corps d'armée. Sous des bannières de diverses couleurs et par les chemins les plus opposés, ils se hâtent vers le même but. Une de ces factions n'est plus. Par ses extravagances voulues, elle cherchait à écarter les patriotes les plus éprouvés en les faisant passer pour des lâches. Cela, afin de priver la République de ses bras les plus vigoureux. Elle déclarait la guerre à Dieu et à la propriété pour opérer une diversion au profit des rois. Elle parodiait le drame sublime de la Révolution pour la compromettre par des excès prémédités. Le triomphe des bêtes, le triomphe de l'anarchie aurait transformé la République en un chaos et le despotisme triomphait. Mais qu'importe à l'étranger s'il dispose de scélérats d'une autre espèce pour atteindre le même but, nous n'avons rien fait tant que nous avons une faction à anéantir. Celle-ci est l'opposé de la précédente. Elle nous incite à la faiblesse. Son mot d'ordre est clémence. Elle veut arracher au peuple ses armes et la force qui mène ses armes pour le livrer défaite et nue au roi. L'arme de la République est la terreur. La force de la République est la vertu. La vertu sans laquelle la terreur est néfaste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur est une manifestation de la vertu. Elle n'est rien d'autre que la rapide, sévère, inflexible justice. Ils disent que la terreur est l'arme d'un gouvernement despotique et que par conséquent, notre gouvernement ressemble à du despotisme, soit. Le gouvernement révolutionnaire est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Tous les élans de sensiblerie sont autant de soupirs qui s'envolent vers l'Angleterre ou vers l'Autriche. Non content de désarmer les bras du peuple, les ennemis cherchent encore à empoisonner par le vice les sources les plus sacrées de sa force. Voilà la plus dangereuse, la plus habile, la plus abominable manœuvre contre la liberté. Le vice est l'arme de Caïn de l'aristocratie. Dans une république, il n'est pas seulement un crime moral, mais un crime politique. L'homme vicieux est un ennemi de la liberté. D'autant plus dangereux pour elle que sont plus grands les services qu'il a semblé lui rendre. vous me comprendrez aisément. Si vous songez à ces gens qui vivaient jadis dans des mansardes et qui maintenant roulent carrosse, se livrent à la débauche, en compagnie de ci-devant marquises et baronnes, nous avons bien le droit de nous demander si le peuple n'a pas été dépouillé une fois de plus quand nous voyons ces marquises et ces comtes de la Révolution épouser des femmes riches, donner des soupers plantureux, se payer des domestiques. Il n'y a pas longtemps, on a parodié insolemment Tacite. Je pourrais répondre en citant Salluste et en travestissant Catilina, mais je crois n'avoir rien à ajouter. Les portraits sont achevés. Nul pacte, nul trêve avec ceux qui ne songent qu'à piller impunément le peuple. Avec ceux pour qui la République fut une spéculation, mais la Révolution un métier. Terrifiés par le torrent tempétueux des exemples, ils cherchent à refroidir secrètement la justice. À les entendre, on dirait qu'ils se disent à eux-mêmes, nous ne sommes pas assez vertueux pour exercer la terreur. Législateurs, philosophes, compatissez à notre faiblesse. Nous n'oserons pas vous dire que nous sommes vicieux. Aussi préférons-nous vous demander de n'être pas cruel. Calme-toi, peuple vertueux. Calmez-vous, patriotes, et dites à vos frères de Lyon que le glaive de la loi ne se rouille pas entre les mains de ceux à qui vous l'avez confié. Nous donnerons à la République un exemple mémorable. Vive la République ! Vive Robespierre ! Maintenant, dans une chambre, Danton, accompagné de Paris, va affronter Robespierre. Danton partira brusquement dès que Robespierre prétendra qu'aucun innocent n'a été frappé. Resté seul, Robespierre monologue un long moment, puis reçoit Saint-Just, avec qui il décide de convoquer en séance solennelle l'Assemblée pour mettre Danton en accusation. Au tableau suivant, c'est Danton que nous retrouvons, en butte aux supplications de Camille Desmoulins et de ses amis qui le pressent d'agir, pressentant l'inévitable. Je te le dis, celui qui retient mon bras, au moment où je tire l'épée à mon ennemi, son intention ne fait rien à l'affaire, qui m'empêche de me défendre me tue aussi sûrement que s'il m'attaquait. Où cesse la légitime défense, là commence le meurtre. Je ne vois pas de raison qui nous contraigne à poursuivre la tuerie. La révolution n'est pas encore achevée. Bonne société n'est pas encore morte. La saine énergie populaire doit prendre la place des dégénérés. Le vice doit être châtié et la vertu régnée par la terreur. Je ne comprends pas le mot châtiment. Tu m'ennuies, Robespierre, avec ta vertu. Tu n'as pas volé, tu n'as pas fait de dette, tu n'as jamais couché avec une fille. J'ai toujours porté une redingote soigneusement brossée, tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es insupportablement honnête. J'aurais honte de m'agiter 30 ans entre terre et ciel avec la même tête de puritain, uniquement pour jouir du misérable plaisir de trouver les autres plus mauvais que moi. N'y a-t-il donc rien, non, toi, rien qui parfois te chuchote? Tu mens, tu mens! Ma conscience est pure! Oh, la conscience est un miroir, le singe se tire la langue en s'y regardant. Chacun se part comme il peut et prend son plaisir comme il l'entend, c'est bien la peine de nous chavailler pour ça. Chacun est en droit de se défendre quand un autre lui gâte sa joie. As-tu le droit de faire de la guillotine une cuve à lessive pour le linge sale des autres, et de leur tête tranchée des morceaux de savon pour leurs vêtements crasseux, pour la seule raison que tu portes toi une redingote toujours soigneusement brossée, et frappe s'ils crachent dessus ou s'ils la déchirent, mais s'ils te laissent tranquille, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'ils n'aient pas honte de leur saleté, ne te donne pas ou pour autant le droit de les envoyer dans la fosse. Es-tu le policier du ciel? Tu ne peux pas regarder ce spectacle aussi bien que ton cher bon Dieu met un mouchoir devant tes yeux. Tu nies la vertu. Oui, et le vice aussi. Il n'existe que des épicuriens, les uns grossiers, les autres délicats. Christ fut le plus raffiné de tous. C'est la seule différence que je puisse voir entre les hommes. Chacun agit selon son tempérament, c'est-à-dire qu'il fait ce qui peut lui procurer du plaisir. Incorruptible. Il est cruel de t'arracher ainsi le talon des bottes. Danton, le vice est quelquefois une trahison. Et tu n'as pas le droit de le proscrire, non, par le ciel, ce serait de l'ingratitude. Tu lui dois trop, ne fût-ce que par contraste. D'ailleurs, pour parler comme toi, nos coups doivent être utiles à la République. Il ne faut pas frapper les innocents avec les coupables. Qui te dit qu'un innocent a été frappé? Tu l'entends, Fabricius? Il n'est mort aucun innocent! Nous n'avons plus un seul instant à perdre, nous devons nous montrer. Va-t'en donc. Il veut faire arrêter au lupanard les coursiers de la liberté, mais ils sauront le traîner jusqu'à la place de la Révolution. Arracher le talon de mes pattes. Halte. Halte, ils diront que sa taille est gigantesque, que j'étais trop d'ombre sur moi et que c'est pour cela que je lui aurais dit ôte-toi de mon soleil. Que s'ils avaient raison, est-ce vraiment indispensable? Il doit disparaître, la République, il doit disparaître. Comme mes pensées qui se prennent les unes des autres. Il doit disparaître dans une foule qui se porte en avant, celui qui s'arrête oppose autant de résistance que s'il s'arrêtait. Il ne faut pas que la Révolution s'enlise dans leurs marais. Par hier, la faction qui a dépouillé la défunte aristocratie, mais qui en a hérité la lettre. Cette vertu, la vertu est un talon de mes bottes. Pourquoi ne puis-je me défaire de cette pensée? Qu'elle me désigne d'un doigt sanglant. J'ai beau l'envelopper d'autant de linge que je veux, le sang coule toujours à travers. Je ne sais lequel des deux en moi manque à l'autre. La nuit ronfle au-dessus de la terre et s'agite en un songe atroce. Des pensées troubles, informes, qui se dissimulaient craintivement à la lumière du jour, reçoivent maintenant figure et relief, et se glissent dans la demeure silencieuse du rêve. Et ce que nous nommons veille, n'est-ce pas aussi un rêve? Ne sommes-nous pas tous des somnambules? Nos actions ne sont-elles pas comme celles des rêves de la nuit, à peine plus distinctes? Le péché est dans la pensée. Si la pensée devient acte, si le corps la suit, c'est seulement par hasard. Tu vas là. Injuste. Reconnais-tu ma voix? Oui. T'es sale? Danton vient de sortir. Je l'ai rencontré au Palais Royal. Il fronçait son front révolutionnaire et parlait par épigramme. Il tutoyait les sans-culottes, les filles lui couraient après, les gens s'arrêtaient et se chuchotaient ses propos. Nous sommes en train de perdre l'avantage de l'attaque. Si tu hésites encore, nous sommes décidés à agir sans toi. Que voulez-vous faire? Convoquer en séance solennelle l'Assemblée législative, le Comité de sûreté générale et de salut public. Que d'histoire! Il faut ensevelir le sublime cadavre, comme des prêtres, non comme des assassins. Nous ne devons pas le mutiler, mais l'enterrer avec tous ses membres. Pour l'ensevelir avec toute sa panoplie. Et immoler sur sa tombe ses chevaux, ses esclaves, la croix. Un parfait filou. Jadis clerc d'avocat. Aujourd'hui lieutenant général de France. Héros de Seychelles. Une belle tête. Une file élégante initiale de l'acte constitutionnel. Nous n'avons plus besoin de tels enjolivements, il sera effacé. Philippot, Camille. Tiens, lis. Le vieux cordelier, monsieur. C'est un enfant, il s'est moqué de vous. Lis, lis! Ce messie sanguinaire, Robespierre, entre l'aide de Laron, Couton et Collot, sur son Golgotha, où il sacrifie et n'est pas sacrifié. Les dévotes de la guillotine se tiennent à ses pieds comme Marie et Madeleine. Saint Just comme Jean repose sur son cœur. porte sa tête comme le Saint-Sacrement. Je lui ferai porter la sienne comme Saint-Denis. Peut-on croire que l'impeccable redingote du Messie sur le linceul de la France. Alors, toi aussi, qu'ils disparaissent tous, vite. Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. As-tu préparé l'acte d'accusation? Mais c'est facile après ton allusion, Jacobin. Non, je voulais leur faire peur. Je n'ai plus qu'à faire exécuter les ordres. Alors vite, vite, vite, demain, pas de lente agonie. Depuis quelques jours, je suis impressionnable. Vite, demain, demain! J'en mourrons, je t'en donne ma parole. Oui, Messie sanguinaire qui sacrifie et n'est pas sacrifié. Le Christ les a rachetés avec son sang, moi je les rachète avec le leur. Il avait la volupté de la douleur, mais moi, la torture du bourreau. Qui a témoigné de la plus grande abnégation de soi-même? Lui ou moi? Il y a de la folie. Il y a de la folie dans cette pensée. À vrai dire, nous sommes tous crucifiés dans le Christ. Mais nul ne peut racheter les autres par ses propres blessures. Mon Camille. Tous m'abandonnent. Tout est désert et vide. Je suis seul. Oh, c'est toujours le temps qui nous perd. C'est bien fastidieux d'enfiler d'abord sa chemise et puis sa culotte. Et le soir de se traîner au lit et le matin de se traîner hors du lit et de mettre toujours un pied l'un devant l'autre. Il y a guère d'espoir que cela change jamais. Il est triste que des millions de gens aient fait ainsi et que d'autres millions le fassent encore après nous et que par-dessus le marché nous soyons composés de deux moitiés qui font toutes deux la même chose. Vite, vite, vite! De sorte que tout se produit deux fois. Oui, c'est bien affligeant. Mais tu pars comme un enfant. Les mourants redeviennent souvent enfants. Par tes hésitations, tu cours à ta perte et tu entraînes avec toi tous tes amis. Ouais. Préviens les indécis qu'il est temps de se rassembler autour de toi. Convoque ceux du marais comme ceux de la montagne. Vitupère la tyrannie des décemvirs. Parle des couteaux. Invoque Brutus. Tu terrifieras les tribunes et tu rallieras autour de toi ceux-là même qu'on menace comme des complices des vers. Abandonne-toi à ta fureur. Ne mourons pas du moins avilis et dégradés comme l'infâme Hébert. Tu as mauvaise mémoire. C'est toi-même qui m'appelais un saint défunt, tu ne croyais pas si bien dire. Tu passais dans les sections. Elles ont été très respectueuses, mais à la façon des croque-morts. Puis une relique, et les reliques, on les jette au ruisseau. Pourquoi as-tu laissé les choses en arriver là? Pourquoi? Parce que ça a fini par m'ennuyer. Toujours courir dans la même veste avec les mêmes plis sur le front, c'est pitoyable. Être un misérable instrument dont la corde unique ne rend qu'un seul son, c'est à vomir. J'ai voulu prendre mes aises, j'ai réussi. La révolution m'accordera le repos, mais ce sera d'une autre manière que je ne l'aurais cru. D'ailleurs, sur qui nous appuyer? Nos catins pourrait à la rigueur tenir tête aux dévotes de la guillotine. Mais à part ça, je ne vois rien. On peut compter sur les doigts. Les Jacobins ont décrété la vertu à l'ordre du jour. Les Cordeliers me nomment le bourreau des Bers. La commune fait pénitence. La convention, ce serait encore une issue, mais ça ferait à nouveau 31 mai et il ne céderait pas la place facilement. Robespierre est devenu le dogme de la Révolution. Et de ce côté-là, rien n'a expiré. C'est pas nous qui avons fait la Révolution. C'est la Révolution qui nous a fait. D'ailleurs, je préfère être guillotiné que guillotineur. J'en ai assez. Pourquoi les hommes se battraient-ils toujours entre eux? Devrions plutôt nous asseoir côte à côte et vivre en paix. Une faute a été commise le jour où on nous a créés. Il n'y a pas de nom pour le nommer, il nous manque quelque chose, mais nous ne le trouverons pas en nous fouillant dans les entrailles les uns des autres. Alors à quoi vont nous éventrer, hein? Eh ben, nous sommes de misérables alchimistes. On pourrait dire plus pathétiquement dans combien de temps l'humanité, dans sa faim inassouvie, dévorera ses propres membres. Oui. Ou bien encore combien de temps, naufragés sur un navire perdu, nous sucerons-nous mutuellement le sang de nos veines pour apaiser notre soif inextrémité. Ou bien encore combien de temps, pauvres algébristes de la chair, devons-nous écrire nos comptes à l'aide de membres déchirés en cherchant l'inconnu qui se dérobe toujours à la raison? Mais un puissant écho, n'est-ce pas? Un coup de pistolet retentit toujours en moi comme un coup de tonnerre. Tu devrais toujours m'avoir à tes côtés. Mais la France reste à ses bourreaux. Importe. Les gens s'en trouvent fort bien. Ils souffrent, les voilà, nobles, vertués, spirituels, en tout cas préservés de l'ennui. Qu'importe ce qui les tue, la fièvre, la vieillesse ou la guillotine. La guillotine est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Il est fort bien que la durée de la vie soit un peu réduite. La vie était trop large, nos membres ne pouvaient pas le remplir. La vie devient une épigramme, mais c'est ce qu'il faut. Qui donc a assez de souffle et d'esprit en lui pour une épopée en 50 ou 60 chants? Il est temps de ne plus boire la coupe de vie à même le cul, mais dans des verres à liqueur. De cette façon, on en a plein la bouche. La vie ne vaut pas la fatigue qu'on se donne pour la conserver. Fuis, Danton! On n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers! Enfin, et c'est là l'essentiel, ils n'oseront pas. C'est bien, petit? Oui. Tu m'entends? Ils n'oseront pas. Il y va? Il ne croit pas un mot de ce qu'il a dit. Ce n'est rien que de la paresse. Il aimera mieux se laisser guillotiner que de prononcer un discours. Que faire? Rentrer chacun chez soi. Et comme Lucrèce, étudier le mode de mort le plus convenable. L'action se précipite. Danton sent maintenant qu'il est condamné à l'avance si on réussit à le traîner devant un tribunal révolutionnaire. Mais excédé, il refuse la fuite et affirme qu'il est plus facile de mourir avec courage que de vivre. Nous allons le retrouver se débattant contre les objurgations de Camille Desmoulins et surtout contre l'amour de Julie, sa femme. Mais déjà l'agitation a gagné la rue. On vient arrêter Danton, tandis qu'à la Convention, malgré l'intervention du député Legendre, Robespierre et Saint-Just justifient leur action. Mais un conseil, allez au théâtre. Allez au théâtre, je vous le recommande. Je vous le dis, si on ne leur donne pas à tout le monde une copie de bois cataloguée en théâtre, exposition d'art et concert, ils n'ont pour lui ni queue ni d'oreille. Présentez-leur une marionnette dont on peut voir les fils et les articulations à chaque pas. Alors, quel caractère, quelle logique? Prenez une bribe de sentiments. Une sentence, une idée, mettez-leur une veste et une culotte, fabriquez-lui des mains et des pieds, et laissez-la gigoter pendant trois actes, jusqu'à ce qu'elle finisse par se marier ou par se tuer, alors quel idéal! Rappelez-leur un opéra qui rende le flux et le reflux de l'âme même, comme un sifflet de thé soumis au chant du rossignol. Alors Dieu, quel art! Conforter les gens du théâtre dans la rue de misérable réalité, ils oublient leur Dieu pour qu'ils ne sont plus. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas la création ardente, bouillonnante, qui en est. Et autour d'eux, réussissent à chaque pas, non? Ils ont des théâtres, ils vivent des romans, des poésies. Reprenez les grimaces des caricatures qu'ils vous trouvent et reprenez ce qu'ils ont les yeux en vigueur. Et les artistes traitent la nature comme David. qui dessinait froidement les assassinés de septembre au moment même où on les jetait de la prison dans la rue en disant « Je saisis au vol les dernières convulsions de la vie et fait scélérat. » Rien. Même temps te voir, Charlie. M'entends-tu ici? Oh, bien sûr. Et je reviens. C'est seulement ce que je viens de dire. Certainement pas. Qu'as-tu dans ton fond? Le comité de salut public a décrété mon arrestation. On m'a prévenu et offert un asile. Ils volent ma tête, quoi. Je suis excédé par ce fracassou. Ils la prennent, que m'importe. Je saurais mourir avec courage, c'est plus facile que de vivre. Mais il est encore temps. Impossible. Mais je n'aurais pas cru. Ça paraît. Non, je ne suis pas paresseux. Mais là. Mais elle me brûle. Où va-t-il? Tu peux savoir. Mais sérieusement, où va-t-il? Me promener, mon fils. Me promener. Oh, calme. Sois calme, cher enfant. Je pense que c'est tout. Mon Camille, c'est de la folie, n'est-ce pas? Je suis folle. Mais sois calme, je te le répète, Danton et moi, cela fait deux. La terre est basse, elle contient des multitudes de choses. Pourquoi empêcher celle-ci de vivre? Ce serait trop injuste. Mais je te le répète, tu peux être tranquille. J'ai parlé hier à Robespierre, il s'est montré amical. Nous sommes un peu en froid, c'est vrai, mais nous sommes de divergences d'opinion, rien de plus. Pas le trouver. Nous étions ensemble assis sur les bancs d'école. Il m'a toujours témoigné une très grande affection. Moi seul recherchais sa compagnie et réussissais parfois à le faire sourire. J'y vais. C'est vite, mon ami, attends, viens. Non, va. Un instant encore. Elle s'est inspirée, Nicolas. Oh, les adieux, les adieux, les adieux. Dans quelle fête, les deux, on a cru nous aimer. Pourquoi tu te fermes bien? Je m'entends ici. Il n'y a pas qu'il ait trouvé son chemin tout seul. Quand il est sorti, il m'a tremblé que je ne le reverrai plus. Il s'éloigna de moi toujours plus loin. Oh, que ce jardin est vide. Oh non, je ne peux plus rester ici. Parler d'une maladie qui fait perdre la mémoire. La mort doit lui ressembler. J'ai parfois l'espoir que la mort est plus puissante encore et qu'elle fait perdre tout ce qu'on possède. Si c'était vrai. Se badine avec la mort. C'est vraiment très séduisant de lui faire les yeux doux de loin à travers un lorgnon. En somme, toute cette histoire est risible. Il y a en moi un sentiment de la durée qui me dit que demain sera comme aujourd'hui et après-demain et toujours. Cela sonne vieux. Ça veut m'effrayer, ils n'oseront pas. Jamais, pour que nous n'entendions plus, que nous ne voyions plus nos affreux péchés. Tout à fait secrètes et sourdes. Tu trembles, Danton. N'y a-t-il pas de quoi trembler, Julie, si les murs parlent? Si mon corps est tellement désassemblé que mes pensées errantes parlent par les lèvres des pierres. C'est étrange. Non. C'est étrange, Julie. Non, il y a des pensées, Julie, pour lesquelles il ne devrait pas y avoir d'oreilles. Il ne faut pas les laisser vagir dès leur naissance comme des petits enfants. Que Dieu préserve ta raison. Non! Me retenais-tu? Papa. Tu es un être humain et puis ta femme. Une terre à cinq continents. Et deux font quatre. Mais toute ma raison, vois-tu? N'a-t-on pas crié septembre, Julie? N'as-tu pas dit cela? Oui, oui, je l'ai entendu résonner à travers toute la maison. Quand je me suis approché de la fenêtre, Julie, toutes les rues retentissaient de ce cri, septembre! Tu as rêvé dont on revient à toi! Oui, j'ai rêvé, mais c'était à autre chose. Je vais te le dire, quand ma pauvre tête est faible. Voilà, je me souviens, Julie. Au-dessous de moi, la sphère terrestre haletait dans sa course. Je l'avais empoignée comme une cavale sauvage. Je voyais sa crinière, je serrais ses côtes avec mes membres de géant, la tête baissée et les cheveux flottants. C'est ainsi que je fus traîné à l'abîme. Alors dans mon épouvante, je criais, et mon cri me réveilla. Je suis allé à la fenêtre et c'est à ce moment, Julie, que j'ai entendu ce mot. Que signifie-t-il? Pourquoi justement celui-là? Qu'ai-je à faire avec lui? Pourquoi tend-il vers moi ses mains ensanglantées? Que lui ai-je fait? Aide-moi, Julie, ma tête est faible. N'était-ce pas en septembre, Julie? Pour les rois, c'était à 40 heures de Paris. Les portes restent tombées, les aristocrates dans la ville. La République était perdue. Oui, perdue. Nous ne pouvions pas laisser un ennemi dans notre dos, nous aurions été fous de le faire, deux ennemis à la fois, eux ou nous. Le plus fort abat le plus faible, n'est-ce pas tout naturel? Oui, oui, oui. Nous les avons frappés, ce n'était pas un meurtre, c'était la guerre à l'intérieur. Tu as sauvé la patrie! Oui, je l'ai fait! C'était un cas de légitime défense. Il le fallait. L'homme en croix s'est rendu la tâche facile. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il faut. Qui osera en finir avec la malédiction de ce « il faut » Qui a dit « il faut » Qu'est-ce qui en nous formique, ment, vol, tue? Ils sommes des pantins manœuvrés par des forces inconnues. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes que les glaives avec lesquels les esprits combattent. Seulement, on ne voit pas les mains. À présent, je suis calme. Tout à fait calme, cher cas. Oui, Julie. Allons nous coucher. La nuit est-elle très avancée? Eh oui, avance. La nuit est-elle très avancée? À mi-chemin entre le coucher et le lever du soleil. Mon coquin! Tu le retires. Regarde sur ton cadran! C'est l'heure où les balanciers se dressent sous les draps. Il faut monter. On a vos citoyens. Nous en répondons sur nos têtes, morts ou vifs. Oh, il est très fort. Ouvrons une brèche à la liberté. Je vous précéderai, citoyens. Prenez soin de ma femme. Je lui laisse son héritage, ma couronne de chêne. Ah, une couronne de beurre, on dit qu'en fait blanc, il lui en tombe déjà assez chaque jour dans les jupons. Et en avant, citoyens, vous aurez bien mérité de la patrie. Eh ben, j'aimerais autant qu'elle méritait bien de nous. Malgré tous les trous que nous avons faits dans la peau des autres, il n'y en a pas encore un seul de boucher à nos culottes. Hé, hey, voudrais toute ta braguette soit bouchée. Allez, en avant, citoyens. Meilleur moyen. Ah, monsieur pourrait-il opposer à sa voix? Non, pas si le décret nous en empêche. Eh bien, qu'on le rapporte ou qu'on autorise une exception. Je présenterai la motion à l'Assemblée. Je compte sur votre appui. Oui. Oui. De la Convention nationale ont été arrêtés la nuit dernière. Je sais que Danton est l'un d'entre eux. J'ignore le nom des autres. Et qu'importe leur nom s'ils sont coupables, mais je demande qu'on les entende ici à la barre de la Convention pour les accuser ou les absoudre. Citoyens, je le jure, je considère Danton aussi pur que moi-même. Et je ne pense pas qu'on puisse nourrir le moindre soupçon à mon égard. Je ne veux accuser aucun membre du comité de salut public ou de sûreté générale, mais des raisons bien fondées me laissent craindre que des haines et des rancunes partisanes ravissent à la liberté un homme qui lui a rendu les services les plus éminents. Celui qui, en 1792, a sauvé la France par son énergie, mérite d'être entendu. Il doit pouvoir se justifier. Si on l'accuse de haute trahison, nous appuyons la proposition de ta jambe. Les temps enfin que les années de genre lèvent la tête. Tant mieux, ça sera plus facile de la leur couper. Les gradins, ils finiront par se guillotiner eux-mêmes. Aux paroles plus cadavres. Vous les avez fait sur un bout de l'étrondeur. Vous voulez des pigelets. La hache de la loi. Et vous prenez sous toutes les têtes. Nous ne pouvons permettre à nos comités d'envoyer nos législateurs dans la guillotine. La loi leur offre son asile. Mais le crime n'a pas d'asile. Seuls les criminels couronnés retrouvent ça sur leur trône. Seuls les scélérats inventent le droit d'asile. Seuls les meurtriers ne le reconnaissent pas. Pareille agitation installée depuis longtemps dans cette assemblée pour que des intérêts supérieurs sont en jeu. C'est aujourd'hui que l'on décidera si une poignée d'hommes doit l'emporter sur la patrie. Voilà. Comment osez-vous renier vos principes au point de concéder aujourd'hui ce que vous avez refusé hier à Chabot, Delaunay, Fabre? Que signifie ce privilège en faveur de quelques hommes? Qu'importe les louanges que l'on prodigue à ses amis et à soi-même. Trop d'expériences nous ont prouvé quel temps on peut en faire. Le genre paraît ne pas connaître les noms de ceux qui sont arrêtés. Toute la convention les sait. Son ami Lacroix est du nombre. Pourquoi feint-il de l'ignorer? Parce qu'il sait bien qu'on ne peut sans impudence défendre la croix. Il a parlé de Danton parce qu'il s'imagine qu'à ce nom est attaché un privilège. Nous ne voulons pas de privilège. Nous ne voulons pas, Vital. En quoi Danton est-il supérieur à Lafayette, Dumouriez, Brissot, Berriot, Hébert? Qu'a-t-on dit d'eux qu'on ne peut dire aussi de lui? Les avez-vous épargnés? En quoi Danton mérite-t-il d'être traité mieux que ses compatriotes? Est-ce parce qu'une poignée d'hommes s'est rangée autour de lui pour se précipiter à sa suite dans les bras de la fortune et du pouvoir? Danton doit sentir d'autant plus la sévérité des amis de la liberté qu'il a trompé plus perfidement les patriotes qui placèrent en lui leur confiance. On veut vous faire craindre l'abus d'une force que vous avez exercée vous-même. On accuse de despotisme les comités, comme si la confiance que le peuple vous a déléguée et que vous avez transmise à ces comités n'était pas une garantie certaine de leur patriotisme. On tremble. Mais je vous le dis, quiconque tremble en ce moment est coupable. Car jamais l'innocent ne redoute la vigilance publique. Moi aussi, on a voulu m'effrayer. On m'a donné à entendre qu'en laissant le danger approcher de Danton, il pourrait parvenir jusqu'à moi. Les amis de Danton m'ont assiégé dans l'espoir que le souvenir d'anciennes relations pourrait ralentir, refroidir mon zèle et la passion de la liberté qui m'inspire. Eh bien, je déclare que rien ne me retiendra du le péril de Danton devenir le mien propre. Nous avons tous besoin d'un peu de courage et de grandeur d'âme. Seuls les misérables et les âmes vulgaires craignent de devoir tomber leur pareil, car n'ayant plus devant eux une barrière de coupables, ils restent exposés au péril. Mais s'il y a des âmes sensibles dans cette assemblée, il y en a aussi d'héroïques. Il n'est pas si grand le nombre des coupables. Nous n'avons que quelques têtes à frapper, et la patrie est sauvée. Je demande que la proposition de Legendre soit repoussée. Il semble y avoir dans cette assemblée quelques oreilles sensibles qui supportent mal le mot sang. Un certain nombre de considérations générales les convaincront que nous ne sommes pas plus cruels que la nature et que le temps. La nature suit tranquillement et irrésistiblement ses lois. L'homme est anéanti dès qu'il entre en contact avec elle. Une épidémie, une éruption volcanique ou une inondation emporte des milliers d'hommes. Quel en est le résultat? Une modification tout à fait insignifiante de la nature physique, à peine perceptible, et qui resterait certainement inaperçue. Des cadavres ne jonchaient sa route. Je demande maintenant si la nature morale, dans ses révolutions, doit avoir plus de scrupules que la nature physique. L'âme du monde se sert de nos bras dans le domaine spirituel, comme elle se sert des volcans et des inondations dans le domaine physique, peu importe que l'on meure de la peste ou de la révolution. Les pas de l'histoire sont lents. C'est seulement lorsque les siècles sont révolus qu'on peut les compter. Et derrière chacun d'eux s'élèvent les tombeaux des générations, la conquête des découvertes et des principes les plus simples. À coûter la vie à des millions d'hommes n'est-il pas tout naturel qu'en un temps où la marche de l'histoire s'accélère, un plus grand nombre d'hommes aussi doivent expirer? Nous conclurons que tous les hommes sont égaux, mis à part les différences que la nature elle-même a établies. Chacun donc a le droit d'avoir des préférences, mais nul n'a celui d'avoir des privilèges, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une classe de la société plus ou moins restreinte. Chaque terre de cette équation appliquée à la réalité a tué des hommes. Le 14 juillet, le 10 août, le 31 mai sont des signes de ponctuation. Il a fallu 4 ans pour que cette équation pénétrât le monde. Dans des circonstances normales, il lui aurait fallu 1 siècle. Et le sacrifice de générations entières. Si à chacun de ces tournants, la révolution vomit des cadavres. Moïse conduisit son peuple dans le désert, à travers la mer Rouge, jusqu'à ce que la vieille génération corrompue se fût consumée. Alors seulement, il fonda son nouvel État. Nous n'avons ni la mer Rouge ni le désert, mais nous avons la guerre et la guillotine. La révolution ressemble aux filles de Félias. Elle dépêche l'humanité, mais c'est pour la rajeunir. L'humanité sortira régénérée de cette cuve de sang, telle la terre, lorsqu'elle émergea des flots du déluge. Nous convions tous les ennemis secrets de la tyrannie en Europe et dans le monde, tous ceux qui portent leurs vêtements, le poignard de Brutus, à partager avec nous ce moment sublime. C'est maintenant la grandiose farce tragique du procès de Danton. D'abord, au tribunal révolutionnaire, dont le jury, pourtant truqué dans sa composition, se laisse malgré tout impressionner par l'extraordinaire éloquence de Danton. Puis, au comité de salut public, où Saint-Just, inquiet de ses réactions, décide de faire juger Danton en demandant son exclusion de la salle d'audience. Enfin, dans la prison où Danton veut tenter malgré tout d'en appeler au peuple. Votre nom, citoyen. Votre nom, citoyen. La révolution connaît mon nom. La demeure sera bientôt dans le néant et mon nom au panthéon de l'histoire. Danton, la convention vous accuse d'avoir conspiré avec Mirabeau, Dumouriez, à Orléans, les Girondins, les étrangers et la faction de Louis XVII. Ma voix, que fait si souvent retentir pour la cause du peuple, repoussera sans peine cette calomnie. Que les misérables qui m'accusent comparaissent, et je ne répondrai que devant eux, je les couvrirai de honte. Qu'ils se montrent. D'ailleurs, que m'importe vos personnes et votre jugement. Je vous l'ai déjà dit, le néant sera bientôt mon asile. La vie est pour moi un fardeau qu'on me l'arrache. Le tarde de m'en délivrer. Danton, l'audace est le propre du criminel, le calme, le propre de l'innocent. L'audace individuelle est sans doute flétrissable. Mais cette audace nationale, dont j'ai si souvent fait preuve, avec laquelle j'ai si souvent combattu pour la liberté, telle est mon audace. Et c'est la plus méritoire de toutes les vertus. C'est elle que je déploie ici pour le bien de la République, contre mes misérables accusateurs. Puis-je me contenir quand je me vois si bassement calomnié? Un révolutionnaire tel que moi ne peut se défendre avec sang-froid. Les hommes de ma trempe sont inestimables en période révolutionnaire. Sur leur front, plane le génie de la liberté. C'est moi que l'on accuse d'avoir conspiré avec Mirabeau, Dumouriez, d'Orléans, d'avoir rampé au pied des villes despotes. C'est moi que l'on somme de répondre à la justice inéluctable, inflexible, misérable Saint-Just. Tu rendras compte de cette calomnie devant la postérité. Je vous invite à répondre avec calme. Rappelez-vous Marat. Il se présenta respectueusement devant ses juges. Ils ont étendu les mains sur ma vie entière, qu'elle se dresse donc en face d'eux et les défie. Je les écraserai sous le poids de chacune de mes actions. Je n'en tire aucun orgueil. Nos bras sont mus par le destin, mais seules des natures surhumaines peuvent lui servir d'instrument. C'est moi qui ai déclaré la guerre à la royauté. C'est moi qui l'ai abattu le dissous. C'est moi qui l'ai fait le 21 janvier et qui ai lancé au roi la tête d'un tyran en guise de défi. Où sont ceux qui ont demandé à Danton de paraître le 10 août de son mémorable? Où sont les êtres privilégiés auxquels il empruntait son énergie? Les accusateurs peuvent paraître. C'est avec une pleine lucidité que je l'exige. Je démasquerai ces cinq gredins. Et je les replongerai dans le géant où ils n'auraient jamais dû sortir. N'attendez-vous pas la sonnette. La voix d'un homme qui défend son honneur et sa vie doit couvrir le bruit de son grelot. C'est moi qui ai nourri en septembre la jeune couvée de la République, des membres des peuples des aristocrates. C'est ma voix qui a fondu l'or des nobles et des riches afin d'enforcer des armes pour le peuple. Ma voix de l'ouragan qui ensevelit les satellites du despotisme sous le flot des baïonnettes. Réclament la comparution de plusieurs membres de la Convention et du Comité de salut public. Ils en appellent au peuple pour protester contre leur refus de faire citer ces témoins. Il paraît que l'excitation des esprits est indescriptible. Danton a parodié Jupiter et secoué sa crinière. Ils pourront pas la saisir d'autant plus facilement. Il ne faut pas nous montrer. Les poissardes et les chiffonniers pourraient nous trouver moins imposants. La poule aime à être violentée. D'insolentes physionomies comme celle-là lui plaisent. De telles figures sont plus néfastes qu'un blason de noblesse. Elles expriment l'aristocratie du mépris. Chacun de ceux que cela humilie d'être regardé de la sorte devrait nous aider à les abattre. Les cuirassés, c'est comme Siegfried. Le sang de septembre l'a rendu invulnérable. Que dit Robespierre? Il est fin d'avoir quelque chose à dire. Les jurés doivent se déclarer suffisamment instruits et demander la clôture des débats. Impossible, ça n'ira pas. Il faut les faire disparaître à tout prix, disons-nous les égorger de nos propres mains. Osez! Danton ne nous aura pas en vain appris ce mot. La révolution ne trébuchera pas sur l'arcadabre. Mais si Danton reste en ville, il la saisira par son vêtement. Cette carrure fait craindre qu'il ne viole la liberté elle-même. Il y a un tas de pélagie des prisonniers mourants, il réclame un médecin. Inutile, c'est autant de travail en moins pour le bourreau. Eh, il y a des femmes enceintes, tant mieux. Tant mieux, leurs enfants n'auront pas besoin de cercueil. La suivi d'un aristocrate épargne une séance au tribunal révolutionnaire. Tout évidemment servirait la contre-révolution. Thank you. pétition, un nom de femme. Sans aucune de celles qui aimeraient qu'on les porte à choisir. Entre le plancher de la guillotine et le lit d'un Jacobin. Comme Lucrèce, elle meurt après avoir perdu le remède. Ou un peu plus tard, d'un cancer, au guillemets. Il doit être tellement désagréable d'enfanter d'un tartin et un chastement républicain d'une pistelle. Ah, ceci est trop vieille. Madame réclame la mort. Elle s'est exprimée. La prison pèserait sur elle comme le couvercle d'un cercueil. Or, elle n'y est que depuis 4 semaines. La réponse est simple. Citoyenne, il n'y a pas encore assez longtemps que tu souhaites la mort. Bien dit. Mais Colo, il n'est pas bon, c'est la guillotine plaisante. Les gens n'en auront plus peur. Il ne faut pas se faire familier. On conspire dans l'hôpital. Le cas est fréquent. Un jeune homme nommé Laflotte a tout découvert. Les femmes de Danton et Camille devaient distribuer de l'argent au peuple et Dillon s'est évadé. On devait délivrer les prisonniers et faire sauter la convention. Avec ces fables, nous les endormirons. J'ai l'acte d'accusation en main. Soignez-y l'insolence des accusés du murmure du peuple, la consternation des jurés. Je vais écrire un rapport. Oui, va Saint-Just. Et tisse tes périodes. Dont chaque virgule est un coup de hache. De chaque point, une tête coupée. La convention doit décréter. Doit décréter. Que le tribunal poursuivra sans interruption le procès. Et que tout accusé qui manquera de respect à la justice ou qui provoquera des désordres se verra exclu des débats. Tu es le génie de la révolution. Ton projet a l'air très modéré, il atteindra pourtant son but. Ils ne peuvent plus taire. Danton a besoin de hurler. Je compte sur votre appui. Il y a des gens à la convention, et même au comité de salut public. Ils sont tout aussi malades que Danton. Ils craignent le même traitement. Ils ont pris courage et vont crier que l'on viole la juridiction légale. Je leur dirai ceci. À Rome, le consul qui découvrait la conjuration de Catilina et qui punit de mort immédiate ces criminels, puis lui aussi accusé d'avoir violé les accusateurs. Quels étaient ces accusateurs? Face à juste, la lave de la révolution coule. La liberté étouffera dans ses embrassements les êtres débiles qui voulaient féconder son sein puissant. La majesté du peuple, tel Jupiter à ses mêlées, leur apparaîtra parmi le tonnerre et les éclairs, et elle les réduira en cendres. Va, Saint-Just, va, nous t'aiderons. Les éclairs de la foudre doivent écraser la tête des lâches. As-tu entendu ce mot ? Traitement. Ils finiront par faire de la guillotine un remède contre la syphilis. Ils ne luttent pas contre les modérés, mais contre le vice. Oui, ici nos chemins divergent. Robespierre veut convertir la révolution en cours de morale et se servir de la guillotine en guise de chair. Ou de prie-dieu. Et sur lequel il se tiendra non pas debout, mais couché. Retourne-tu à Cliché? Dès que le médecin ne viendra plus chez moi. N'est-ce pas? Il y a là une étoile dont les rayons incandescents dessèchent la moelle de tes vertèbres. Oui. Bientôt, les doigts mignons de la charmante Demali la tireront de son étui et la laisseront pendre sur ton dos comme une petite fraîche. Vertu ne doit rien en savoir. Tu n'es qu'un cuistre impuissant. Monstre. Il n'y a pas encore assez longtemps que tu souhaites la mort. Ces mots auraient dû dessécher la langue qui les a prononcés. Et moi, lorsque les sept briseurs se précipitèrent dans les prisons, un prisonnier saisit son couteau et se frayant un chemin parmi les meurtriers, l'enfonça dans la poitrine d'un prêtre. Grâce. Qui peut trouver là quelque chose à dire? Que l'on se serve de la guillotine ou d'un couteau, peu importe. Seules les circonstances diffèrent de la pluie. J'en peux t'en tuer un. Hein? Ça pas deux ou trois. Où sont les limites du crime? C'est comme les grains de blé. Deux grains suffisent à faire un tas. Ou bien en faut-il plus? Combien en faut-il? Quatre. Viens, ma conscience. Viens, ma petite poule. Voilà la partie. Oui. Et mais étais-je prisonnier, moi? J'étais suspect, cela revient tout de même. De toute façon, la mort m'était promise. Bien gueulé, Danton. Si tu avais pris plus tôt la peine de sauver ta vie, nous n'en serions pas là. C'est terrible, n'est-ce pas? Quand on sent la mort s'approcher ainsi avec arrogance, et que l'on sent dans son propre gosier son haleine en puanti. Et encore dans une lutte furieuse, la mort déchiquetait nos membres pour en arracher sa proie. Et toutes ces formalités comme pour un mariage avec une vieille femme. Le contrat est conclu, les témoins incités, l'amen prononcé. Alors les draps du lit se soulèvent lentement et l'horreur s'y glisse avec les genoux glacés. Et encore, c'était un combat où on se saisit à plein bras, où on se déchire à pleines dents. C'est comme si on tombait sous les roues d'un moulin. Être ainsi néanti par une froide mécanique. Lui être étendu, solitaire, glacé, rigide dans la vapeur noire de la putréfaction. Calme, du calme, mes amis. Nous sommes comme les colchiques d'automne, dont les semences ne germent qu'après l'hiver. Différents des fleurs transplantées que parce que nous tuons un peu dans l'intervalle, est-ce terrible? L'édifiante perspective! C'est bien ça, n'est-ce pas, la divine hiérarchie qu'on nous apprend au lycée? D'un tas de fumier à un autre. De troisième en seconde, de seconde en première, et ainsi de suite. On est assez des bons de l'école. Tu as frappé comme un singe des durillons aux fesses. Et que veux-tu donc? Le repos. N'existe qu'en Dieu. Dans le néant. Dieu est le repos suprême, le néant est Dieu. Je suis un athée, mais il y a l'axiome maudit. Jamais quelque chose ne peut devenir rien. Et moi, je suis quelque chose. C'est là tout mon malheur. La création s'est faite si large. En elle, il n'a rien de vide. C'est un foisonnement sans fin. Le néant s'est suicidé. Création et sa plaie, nous sommes les coupes de son sang, le monde et le tombeau où il brouille. Ça peut paraître fou, mais renferme pourtant une grande part de vérité. Le monde est lui ferrant. Le néant et la mort. Oh, le pouvoir mourir. Le pouvoir mourir comme tu l'as fait. Nous sommes tous enterrés vivants et ensevelis comme des rois dans les trucs, les quadruples cercueils. Le ciel dont nous demeurons, sous nos habits et nos jouis. Celui qui parviendrait à croire en l'anéantissement complet, celui-là serait sauvé. Il n'y a pour nous aucun salut, même pas dans la mort. La vie est une pourriture savamment organisée, la mort une pourriture plus fruste. Voilà toute la différence. Je trouve que je suis habitué à façon la pourrir, le diable se commence en supportant une autre. Ah, Julie. Je partais seul. Si elle me laissait seul. Que je me dissolve, que je me décompose. Je serais encore une poignée de poussière torturée. Et chacun de mes atomes ne pourrait trouver de repos qu'auprès d'elle. Non, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Je hurlerai. Il faudra qu'il t'arrache de mes membres chaque goutte de vie. Thank you. appelons au peuple. La prête encore assez fort pour prononcer la raison funèbre des décembires. Nous exigeons une commission. Nous avons d'importantes révélations à faire. Je m'enfermerai dans la citadelle de la raison. Je ferai une sortie avec le canon de la vérité. Et je réduirai mes ennemis en poussière. Respect à la loi, la Convention décrète. Considérant que les prisons montrent les symptômes de sédition, que les femmes de Danton et de Camille devaient distribuer de l'argent au peuple, et le général Dillon s'évader et prendre la tête des émeutes pour délivrer les accusés, considérant enfin que les susnommés eux-mêmes ont tenté de provoquer du désordre et d'outrager le tribunal, celui-ci reçoit le pouvoir de continuer l'enquête sans interruption et d'exclure des débats tout accusé qui manquerait de respect à la loi. Je demande aux personnes présentes si nous avons outragé le tribunal, le peuple ou la Convention nationale. Il me dira. Ils veulent tuer ma vie. Un jour, on apprendra la vérité. Je vois de grands malheurs prêts à s'abattre sur la France. C'est la dictature. Elle a relevé son voile. Elle redresse la tête et marche sur nos cadavres. Regardez ces lâches assassins. Regardez les corbeaux du comité de salut public. J'accuse de haute trahison Robespierre, Saint-Just et tous les bourreaux qui sont à leur solde. Ils veulent étouffer la République dans le sang. Les ornières des charrettes de la guillotine seront les grandes routes qui ouvriront aux étrangers le cœur de la patrie. Pour combien de temps encore les sentiers de la liberté seront-ils des tombeaux? Vous voulez du pain? Ils vous jettent des têtes! Vous avez soif! Et ils vous font laisser le sang sur les marches de la guillotine! Détache ton vieux soif! Tu sens le vent! Et la guillotine est un mauvais moulin! Les Français ont un mauvais micro! Nous voulons du pain! Du pain! Et votre pain, c'est Danton qui l'a mangé! Satan vous donnera du pain à nous! Danton est avec nous au 10 août, en septembre! Où étaient ceux qui l'accusent? Lafayette aussi est avec nous à Versailles! N'empêche que c'est un traître! Qui dit Danton est un traître? Robespierre! Mais c'est Robespierre qui est un traître! Que suffit? Danton! Danton! Danton a de respectement! Danton a une belle maison! Danton a une belle femme! Il se paye dans le fourgonne! Mange du gibier dans des plats d'argent! Et quand il a bu, couche avec vos femmes et vos filles! Mais Danton était pauvre comme vous! Tout lui a dit tout cela. C'est le Vito qu'on a lui a acheté pour qu'il sorte la couronne. C'est le duc d'Orléans qu'il a lui a offert pour qu'il la lui présente. C'est l'étranger qu'il a lui a donné pour qu'il vous trahisse tous. Que possède Robespierre? Le vertu Robespierre? Mais vous le connaissez tous. À bord Robespierre! Vive Robespierre! Vive la loi! Vive la guerre! À bord l'étranger! Nos cheveux et nos ongles poussent si rapidement qu'on ne peut s'empêcher d'avoir honte. Faites attention, non? Vous me permettez votre tabac dans la figure. Et vous, mon cher, ne marchez pas comme ça sur les pieds, j'ai des corps. Je sais, vous êtes plein de vermine. Je pouvais cette fois encore. Ils frappuront d'air. Oui, ben dormez bien. Nous essayons de nous arranger à l'amiable pour la nuit. Nous n'avons pas tellement de place. Si en dormant, essayez de ne pas me gratigner avec vos ongles. Non, ne me tirez pas toute la couverture. Il est froid. Oui, Camille. Demain, nous serons des souliers éculés qui vont être dans la terre. Cette mendiants. Cette peau de bœuf dont les gens, selon Platon, se font tailler les sandales, leur permettant d'arpenter la terre, on sait quelque chose. Ma Lucie. Du calme, mon fils, du calme. Mais comment veux-tu, Danton? N'est-ce pas, ils ne pourront pas étendre les mains sur elle. Le rayonnement de sa beauté est impérissable, j'en suis sûr. La buée du tombeau brillera ses paupières comme la rosée. Les cristaux germeront comme fleurs autour d'elle. Et les sources limpides la berceront de leur ombre. Dors. Lucie, tes baisers tremblent sur mes lèvres. Chaque baiser devient un rêve. Mes yeux se ferment et me retiennent prisonnier. L'horloge ne s'arrêterait-elle donc pas? Chacun de ces battements rétrécit les murs autour de moi pour les rendre pareils à ceux d'un cercueil. Enfant, j'ai lu une histoire de ce genre. Les cheveux se dressent encore sur ma tête rien que d'y penser. Oui, encore enfant. C'est bien la peine de m'engraisser et de me tenir au chaud. Tout ce travail pour le fossoyeur. Il me semble que je pue déjà. Mon cher corps. Je veux me boucher le nez, me fermer les yeux et m'imaginer que tu es une fille qui sue et pue après la danse et te dire des galanteries. D'ailleurs, nous avons si souvent tué le temps ensemble. Demain, tu seras un violon brisé, la mélodie s'étue. Demain, tu seras une bouteille vide, le vin est bu, mais je n'en ai ressenti aucune ivresse. Ils sont heureux, ceux qui peuvent encore se saouler. Demain, tu seras une culotte usée que l'on jettera dans un placard où les mythes te rongeront quelques puanteurs que tu exhales. Tout cela ne sert à rien. Il est triste de devoir mourir. La mort singe la naissance. En mourant, nous sommes aussi nus et aussi abandonnés que des nouveau-nés. Notre linceul nous sert de l'ange. Nous pouvons tout aussi bien vagir dans le tombeau qu'au berceau. Camille. Un rêve se joue entre ses cils. Je ne peux pas faire tomber de ses yeux la rosée d'or du sommeil. Je te remercie, Julie. Je ne partirai pas seul. Pourtant, j'aurais préféré mourir autrement, sans effort. Comme une étoile se détache et tombe, comme un son expire, comme un rayon de lumière s'ensevelit dans des ondes de clarté. Telles des larmes scintillantes, les étoiles sont disséminées dans la nuit. Il faut qu'il y ait eu une grande douleur au fond des yeux dont elles ruissellent. Qu'as-tu, Camille? Donne-moi la main. Parle. Tu trembles de tous tes membres. Ta sueur baigne ton front. Ah, c'est toi. Ah oui, je me souviens maintenant. Je voguais entre le rêve et la veille. Soudain, le plafond disparaît. Mon bras l'a saisi. La voûte céleste avec ses lumières s'était abaissée. Je m'y heurtais. Je chancelais comme un homme qui se noie sous la glace. Je touchais les étoiles. C'était horrible, Danton. Oh, vois-tu, il ne faut pas grand-chose pour nous faire perdre le peu de raison que nous avons. La folie m'avait saisi par les cheveux. Je ne veux pas devenir fou. Quel est ce livre? Les nuits. Les nuits. Veux-tu donc mourir d'ennui avant ton heure? Moi, je prends la pucelle. Je ne veux pas quitter la vie comme on sort d'un confessionnal, mais comme on quitte le lit d'une sœur de charité. La vie est une putain. Elle fornique avec l'univers entier. C'est maintenant la dernière nuit de Danton et de ses compagnons à la conciergerie avant leur exécution. Chacun interroge son voisin et s'interroge lui-même sur les résultats de l'action révolutionnaire qu'ils avaient tenté d'entreprendre. La notion pré-romantique de liberté, de fraternité, de tous les principes de la République apparaît et s'affirme avec un désespoir de visionnaire, surtout chez Camille Desmoulins. Et c'est enfin l'affreuse scène de l'exécution. Là surtout, plus que dans toute l'œuvre de Buchner, s'exprime la violence malgré tout germanique de cette vision de l'histoire, interprétée avec un lyrisme débridé, qui sera le seul élément qui, pour les Français, situera l'œuvre dans son époque, avec le mélange de réalisme terrible de la scène de l'échafaud et la transposition poétique de la scène finale avec Lucille folle au milieu des chants de la foule en liesse. À présent, Fabre, tu es tranquille. Jusqu'à la mort. Sais-tu ce que nous allons faire tout à l'heure? Non. Ce que tu as fait toute ta vie, Fabre d'Églantine. Des vers! La folie éclatait dans ses yeux. Bien des gens sont déjà devenus fous. C'est la pente naturelle des choses, nous en lavons les mains, cela vaut peut-être mieux. Je laisse tout dans un gâchis épouvantable. Personne ne sait plus gouverner. Je pourrais peut-être encore aller si je léguais mes couilles à Robespierre et mes mollets à Couthon. À les entendre, c'est nous qui aurions fait de la liberté une putain. Et après ? La liberté et les putains sont les choses les plus fréquentes sous le soleil. La liberté va à présent se prostituer honnêtement dans le lit nuptial de l'avocat d'Arras. Mais je compte bien qu'elle sera pour lui une seconde Clytemnestre. Je ne lui accorde pas 6 mois de délai, je l'entraîne avec moi. Puisse le ciel lui donner une des petites agréables. Les foutus bêtes! Ils braieront vive la République sur notre passage. Oh, qu'importe! Le déluge de la révolution peut bien charrier nos cadavres où il lui plaira. Avec nos jauchements, on pourra encore défoncer le crâne des rois. S'il se trouve à point quelques sansons pour ramasser nos mâchoires. Et ils comprennent la fraternité à la manière de Cain. Rien ne prouve mieux la duplicité de Robespierre que sa gentillesse envers Camille 2 jours avant de le faire arrêter, n'est-ce pas, Camille? Pourquoi dois-je partir? Si un jour l'histoire ouvre ses souterrains, le despotisme pourra encore être asphyxié par l'odeur de nos cadavres. Nous nous sentions déjà suffisamment mauvais pendant notre existence. Ce sont des phrases pour la postérité. Mais oui, il se compose un personnage comme s'il allait être pétrifié puis exhumé par la postérité. Mais est-ce bien la peine de faire la petite bouche, de se farder, de soigner son accent? Nous devrions tous une bonne fois enlever les masques, nous verrions alors comme dans une chambre, remplie de miroirs, la même sempiternelle tête de vos communes, mièges innombrables, indestructibles. Les différences ne sont pas si marquées, allez. Nous sommes tous des anges et des démons, des imbéciles et des génies. Et cela en même temps, si je veux dormir, faire des enfants, tous se livrent à la même besogne. Mais à quoi bon se laisser sur la pointe des pieds et faire des grimaces? À quoi bon avoir honte l'un devant l'autre? Mais nous avons tous mangé à la même table jusqu'à en devenir malade. Alors pourquoi vous cachez-vous la figure derrière vos serviettes? Mais criez donc! Mais gênez donc quand vous en avez envie! Mais ne faites plus ces grimaces vertueuses, spirituelles, héroïques, géniales! Mais nous nous connaissons bien et parmi-vous d'être plus. Tu as raison, Camille! Nous assierons l'un près de l'autre dans la charrette. Et nous crierons! Les stupides de serrer les lèvres quand on souffre! Les Romains et les Stoïciens se crimaient en héros, les Grecs et les dieux criaient. Les uns comme les autres étaient de bons épicuriens. Ils se fabriquaient un contentement de soi-même très charmant. Ce n'est pas si mal de se draper dans sa toge et de se retourner pour s'assurer que l'on projette une ombre immense. Mes amis, oublions toutes nos vaines et confuses querelles. Ne voyons plus que les quelques grandes lignes divines. Il est une oreille intérieure pour laquelle toutes les dissonances et tous les cris désordonnés qui nous étourdissent se résolvent en un torrent d'harmonie. Oui, mais nous sommes de pauvres musiciens. Nos corps sont nos instruments. Les sons rauques et discordants que nous en tirons n'ont-ils d'autre but que de monter, monter toujours, pour aller finalement se perdre dans les oreilles divines en un soupir de volupté? Comme nous, les pourceaux que l'on plageait la mort pour rendre leur chair plus savoureuse. Sommes-nous les enfants que l'on rôtit vivants dans les bras flamboyants du Moloch de ce monde, après les avoir gentiment chatouillés pour que les dieux d'abord se réjouissent de leur rire? Est-ce que les dieux rient éternellement? Est-ce que les poissons agonisent éternellement? Oui, est-ce que les dieux se réjouissent éternellement des effets de lumière de tous nos combats? Le monde est un chaos! Le néant est le dieu d'un monde qui va naître! Messieurs, vous pouvez vous mettre en route. Les voitures attendent devant la porte. Nous tirons tranquillement sur nous la grande couverture sous laquelle tous les cœurs cessent de battre et tous les yeux se referment. Allons, réjouis-toi, Camille. Nous aurons une belle nuit. Les nuages flottent dans le silence du crépuscule et l'Olympe, en s'éteignant, laisse apparaître une à une les figures de tous les dieux qui s'effondre des sabines. Le peuple courait dans les rues. À présent, tout est calme. Je ne voudrais pas le faire attendre un instant de plus. Viens, prêtre adoré dont la main nous délivre. C'est si doux de s'en aller. On n'a qu'à tirer la porte derrière soi. Le soleil est couché. Sa lumière accusait les traits de la terre, dont le visage maintenant est aussi taciturne et grave que celui d'une mourante. Avec quelle grâce le crépuscule lui caresse le front et les joues. Elle devient de plus en plus pâle et glisse à reculons comme un cadavre dans les flots de l'été. Je m'en vais doucement. Je ne l'embrasse pas, afin qu'aucun souffle, aucun soupir ne l'éveille. Dors. Dors. Vous avez perdu la raison. Vous les tuerez le jour où vous la retrouverez. Oh, vous la croyez ? Vous êtes du bord ! Et tirez ! Je brise le crâne contre nos tombeaux ! Oui, oui. Il prend son cadavre pour l'engrais de la liberté. Je vous pardonne ! Puisse votre heure n'être pas plus amère que la mienne. Je savais qu'il éprouverait le besoin de bomber la poitrine pour montrer à ces gens-là qu'ils portent du linge blanc. Adieu, Danton. Je meurs deux fois. Adieu, Fabre. La guillotine est le meilleur médecin. Être plus cruel que la mort, empêchera-tu nos têtes de s'embrasser dans le panier? donc quelque chose de sérieux. Vous pouvez réfléchir pour une fois. Je commence à comprendre. Mourir. Mourir. Tout a le droit de vivre, tout. Le moucheron, l'oiseau, pourquoi pas lui? Il devrait suffire d'une seule goutte de sang répandu pour figer aussitôt le fleuve de la vie. La terre devrait porter la blessure de ce coup. Tout bouge. Les horloges marchent, les cloches sonnent, l'eau coule, les gens passent. Il en a toujours été ainsi. Oh non, il ne faut pas que cela arrive, non! Je vais m'asseoir par terre et crier pour que tout s'arrête dans les trois que plus rien ne bouge! Ah! Tout est comme avant. Le vent souffle. Les nuages passent. Oh non, il n'y a plus rien à faire. Il y a les garçons, ce héros. Le jour de la fête de la contribution, quand je l'ai vu tout dans l'arc de triomphe, je me disais, celui-ci aura une fière allure sur la vie de tous. C'était comme un pressentiment. Oh oui, nous aurons déjà dans toutes les situations. C'est très bien que mort soit devenu tout public. Par la fenêtre de mon grand-papa. Et la vieille plus en courant. Quand je vais chez nous, la lune avait si doux. Quand je vais chez nous, la lune avait si doux. Par la fenêtre de mon grand-papa. Mon Camille! Mon Camille! Où dois-je chercher désormais? Oh, cher berceau qui a endormi mon Camille, il a étouffé sous tes roses. Oh, cloche funèbre, qui de ta voix si douce l'a suivi au tombeau. Il y a un moissonneur qu'on amène la mort. Il tient son pouvoir du Dieu suprême. Qui vit? Au nom de la République. Thank you. venez d'entendre, en émission différée depuis Avignon, la première représentation en France de l'œuvre de Georges Buchner, traduite par Arthur Adamoff, « La mort de Danton », présentée par Jean Villard dans la cour du Château des Papes, à l'occasion du deuxième festival d'art dramatique, avec le concours de Jean Davy, Danton, Joris Maulne, Camille Desmoulins, Jean Negroni, Saint-Just, Sylvia Montfort, Julie Danton, Elisabeth Hardy, Lucille Desmoulins et Jean Villard, Robespierre. Prêtaient également leur concours Jean-Paul Moulineau, Yves Brinville, Jacques Butin, Raymond Hermantier, Robert Hirsch, Bernard Noël, Gilbert Robin, Bernard Lippe, Claude Aburbé, De Kerdesten, François Chaumette, Marc Andrieux et Pierre Leproux, avec Françoise Spira, Monique Drac, Marguerite Dubosc, Léon Nogared, Simone Lointier.